Section 40 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e. Section 40. L'adoré par René Mézeroy. Février 1886. Ce n'était pas une vaine bravade de femme irritée qui se venge par des injures. Marthe a un amant. Ils s'écrivent. Elle ne s'en cache pas. Elle laisse traîner ses lettres sur les meubles, comme si elle rêvait de m'affoler, de me torturer, de me faire mourir. Je sais où elle le retrouve, où il lui appartient comme elle m'a appartenu. Je l'ai suivi. J'ai attendu durant 3 interminables heures. Devant les persiennes closes que rayaient des bandes de lumière et sous la neige qui s'éparpillait à gros flocons. Pourquoi n'ai-je pas enfoncé la porte d'un coup d'épaule? Ne suis-je pas entré comme un implacable justicier dans l'alcôve où il se vautrait? N'ai-je pas eu le courage d'en finir, de les écraser l'un contre l'autre, de broyer sous mes poings leur chair lubrique, de châtier sur tout celle qui me trompe avec tant d'impudence? Je suis trop lâche. Puisque je connais le nom de cet homme, puisque je ne peux plus douter de ma misère, n'aurais-je pas dû le souffleter aux deux joues, le provoquer publiquement, le tuer, comme j'ai exécuté Bersillac sur de simples soupçons? Mais Marthe n'en prendrait-elle pas un autre? Et puis-je ainsi ne plus être qu'un bourreau sans trêve, condamné aux sanglantes besognes? C'est elle qu'il faudrait frapper, et je n'en aurai jamais la force. Quand elle est sortie, il l'a accompagnée jusqu'à son coupé, et elle se pendait à son bras. Elle riait, elle paraissait heureuse, et il s'est assis un instant à côté d'elle pour encore l'embrasser, et ils ne pouvaient se séparer. Je me tuerai si je ne les tue pas. Fin de la section 40, enregistrée par Margot.